Ici Andrew Castegan de Puissance Maximale en direct de J'ai animé à Gatineau. Je suis en présence de deux youtubeurs québécois, phénomène grandissant sur YouTube au Québec, avec Testeur Alpha et Testeur Beta. Comment vous allez, les gars? Ça très va très bien. Très, très bien. Parfait. À date, vous aimez bien votre événement. J'ai animé vous a bien accueilli. Vous avez en masse d'activités. Ah oui, on est pris pas mal toute la journée de samedi. Puis dimanche matin, on attend ça avec grande impatience. Oui, on a eu... hier, on n'avait rien de prévu, mais on a quand même fait un peu le tour. La salle de jeux vidéo qui est très bien. Puis là, aujourd'hui, on a plusieurs activités qui se terminent demain matin avec le petit concours amical contre JDG. Parfait. Sinon, en tant que tel, le testeur alpha, le concept de l'émission, on reconnaît un peu, dans le fond, la saveur Let's Play à la Angry Video Game Nerd et même, d'ailleurs, Joueur du Grenier. Est-ce que c'est vos sources d'inspiration pour le concept ou vous êtes arrivé, vous dites « Ah, ben t'es, la France le fait, les États-Unis le fait, on n'a pas vraiment de concept québécois là, avec nos jargons et nos... la saveur québécoise, dans le fond. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Testeur Alpha? Écoute, c'est... En fait, t'as quasiment répondu à ta propre question dans ta question. En 2007, j'ai commencé à écouter le AVGN, que j'aimais beaucoup. 3 ans plus tard, j'ai commencé à écouter Joueurs du Grenier, que j'ai vraiment adoré. Puis là, c'est resté comme ça pendant 2 années, puis que je me disais, Colin, ça serait donc le fun d'avoir un équivalent québécois. On l'a attendu longtemps, on n'a jamais eu. Fait qu'écoute, fin 2012, je me suis dit, OK, that's it, on n'en a pas, je vais le faire moi-même. C'est là que je suis allé voir mon ami de longue date, Beta, et il a décidé d'embarquer avec moi. C'est ça, parce que nous, on était habitués dans le temps à l'école, on faisait des vidéos, des films pour le fun pour nous autres. Puis à un moment donné, on a arrêté parce qu'on s'est perdu de vue. Puis on s'est dit que ça serait le fun de recommencer à faire des vidéos à un moment donné. Puis ça aussi, c'est resté pendant quelques années. Ah, faudrait qu'on recommence à faire des vidéos, faudrait qu'on recommence. Finalement, quand l'occasion est venue, on s'est dit on y va. Puis sinon, en tant que tel, au niveau du concept de jouer à des jeux. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi vous avez choisi le rétro au lieu d'aller dans le jeu récent? Parce que tu es dans le fond, au niveau des testeurs de mauvais jeux, tu es le Joueur du Grenier dans le rétro, le AVGN est dans le jeu rétro. Est-ce qu'à un moment donné, Testeur Alpha va aller vers le plus récent ou il va rester dans la niche du rétro? Pour l'instant, c'est pas dans les plans de faire des jeux récents pour la simple et bonne raison que... Écoute, notre époque, c'est les jeux rétro. C'est ça qui nous a fait triper. Un petit côté nostalgique là, dans la réponse. Mais il y a aussi le fait que les jeux beaucoup plus récents, ils ont déjà été testés vraiment. Il y a beaucoup moins de mauvais jeux. Il y a presque plus de jeux avec des glitches où c'est très minime. Il y a beaucoup moins de spamming de jeux comme il y avait dans le fond pour la NES là, et même avant ça. Ils veulent sortir un jeu à tout prix, ils le testent pas, puis envoyent. Oui, écoute, ça fait pas mal le tour, là. Mais oui, c'est par nostalgie. Au début, on faisait ça vraiment pour le plaisir. Fait que quand on a eu à choisir rétro ou bien nouveau, ben ça n'a pas été long. On a décidé rétro, puis c'est ça qu'on aime. Ouais. Puis au niveau de votre collection de jeux que vous testez pour les vidéos, est-ce que c'est votre collection personnelle ou vous recevez des fois des dons d'auditeurs qui écoutent la série ou est-ce que vous faites du game chasing quand vous faites vos recherches sur Internet ou c'est vraiment strictement des jeux que vous aviez déjà dans votre collection? Au début, c'est des jeux que j'avais déjà dans ma collection. Mais au fur et à mesure que ça avance, ma collection n'étant pas composée entièrement de jeux de merde, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que j'aille chercher ailleurs. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est que, oui, on va chercher ailleurs. On prend beaucoup les conseils, les idées de nos fans. D'ailleurs, on en a reçu une ce matin qui... Il y a du potentiel. Ouais, ça a du potentiel. Parce que c'est ça, le but de faire du rétro gaming, c'est que tout le monde d'assez vieux a une expérience d'avoir été dans un centre vidéo de location de jeu et d'avoir loué un jeu vraiment mauvais, mais jamais le même. Ou des fois, il y a du monde qui dit « Ah oui, ce jeu-là, je me souviens, je me suis fait chier longtemps quand j'étais jeune. » Ça rajoute un petit quelque chose que, pour moindrement que tu es mi-vingtaine avancée. Là, que le rétro, c'est ça. Ça a quelque chose de nostalgique, des bons souvenirs que dans le temps... Même si c'était aujourd'hui, c'est pas bon comme jeu, mais dans le temps, c'était le fun parce que tu connaissais juste ça. Puis sinon, en tant que tel, avant de tomber dans des questions en rafale, au niveau des personnages, comme exemple, on a parlé avec Joueur du Grenier, tout ça, que les autres ils disent que les personnages qu'ils jouent dans leurs vidéos, c'est un peu une parodie de leur propre personnalité à eux. C'est un peu comme une exagération de certains traits de leur caractère. Est-ce que Tester Alpha et Beta, c'est un peu le même principe? Est-ce que Alpha, t'as un petit côté impatient, colérique, mais que tu exagères pour les vidéos? Oui, j'ai peut-être un petit côté colérique, mais je l'exprime pas dans ma vie de tous les jours. Tu sais, au travail, tu peux pas péter des coches comme Alpha le fait, là. Alpha est clairement bipolaire. Je suis pas de même dans la vraie vie. Et évidemment, j'exagère absolument tout quand je joue Alpha. Mais ce qui relie vraiment Alpha et la personne qui le joue, donc moi... c'est le métal. Je suis un grand fan de métal, donc j'ai dit Alpha, il va lui aussi triper sur le métal. Et Beta, lui, c'est les chroniques Calembour, je présume? Oui, oui. Beta, c'est évident là, que c'est, je suis un grand amateur de François Pérusse. C'est un de mes idoles depuis longtemps. Et des jeux de mots de qualité discutable, là, c'est quasiment sur demande des fois, puis ça fait peur. Mais ça, c'est tout à fait moi. On a décidé de mettre ça dans le personnage parce qu'on était capable de... Justement, on était capable de fournir le personnage en blague. Moi, j'ai des années et des années d'expérience de jeux de mots et de blagues vraiment mauvaises qu'on permet de se condenser dans un épisode sur un sujet. Et souvent, la chronique Calembour... l'épisode, je lis le scénario de l'épisode et dans le scénario il y a marqué chronique Calembour à la fin et en lisant le scénario il y a ce bout-là, ce son-là, je vais faire une joke là-dessus puis je sors des blagues quasiment sur demande sur le sujet. Sinon on va faire des petites questions en rafale. Le pire jeu, que ça peut être dans le cadre de Tester Alpha ou votre vie personnelle que vous avez joué de votre vie, c'est lequel? Chaque fou. Autant Super Nintendo que Genesis, j'ai pas réussi à trouver. Moi, j'ai joué à Ultraman là après, qui était très semblable, mais qui avait l'air encore pire. Mais c'est très très mauvais. Là. Sinon, l'inverse, le meilleur jeu, votre préféré de tous les temps. Oh boy, écoute, ça moi, je peux répondre. Vas-y. Moi, j'ai mon coup de cœur pour Final Fantasy 3, Final Fantasy 6 en fait, qui est le 3 aux États-Unis sur la Super NES. Que j'ai tout simplement adoré. La musique est écœurante. T'as des heures et des heures à jouer. T'as des personnages, t'as des histoires écœurantes. Moi, ça a été un de mes premiers jeux que j'ai vraiment trippé. Moi, je crois que j'ai deux jeux ex aequo. Mega Man 3 au Nintendo. Certains préfèrent le 2, mais moi, je préfère le 3, je vous dirais. Donc, Mega Man 3 au Nintendo et Earthbound au Super Nintendo, parce que Earthbound, non seulement d'être un excellent RPG, il y a beaucoup d'humour, il y a des blagues à l'intérieur de ça, puis ça m'a vraiment accroché. Et sinon, votre console favorite? Nintendo. La NES, là. GameCube, suivi très pas loin par la NES. Donc, on voit que vous avez un petit penchant Nintendo. All the way pour moi. On a grandi avec ça, fait que là c'est la nostalgie qui parle. Là. Mais c'est encore ça. Aujourd'hui, j'aime beaucoup mes bons vieux classiques de Nintendo. Parfait. Sinon, pour conclure l'entrevue, est-ce que vous avez des projets en cours que vous aimeriez faire part à nos auditeurs, que c'est pas encore top secret, là, que t'es un petit avant-goût de quelque chose que vous avez dans le four? Un petit teaser. Non, rien de particulier. On prévoit continuer à faire des vidéos. Les conventions, ça s'en vient de plus en plus. On commence à se faire inviter à plein de conventions. Le Geek Fest de Québec, on est invité. On est invité là. En fin juillet, je crois. Ouais. Donc, écoute, non, cette année, ça va être une continuité. On va continuer à faire nos vidéos, aller à des conventions. Et puis, peut-être qu'éventuellement, si j'ai quelque chose en tête, on évoluera vers... une nouvelle série de vidéos, mais pour l'instant, non, c'est pas dans les plans. Là. Parfait, bien merci de votre temps. Puis je vous souhaite longue vie à Beta et à Alpha. Et bonne continuation dans vos projets. On aime vos vidéos, puis on espère que ça va continuer dans cette voie. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi, Andrew.